Dieu, canard, c'est un canard, la fouille, oh. Les pitchs et les euros, c'est ma life. Dieu, moi-même trop d'ennemis. C'est ma life, Renoir. Un gun à la main, on en reparle. On voit les tarots, mon ami. C'est ça. Les pitchs et les euros, c'est ma life. Les pitchs et les euros, c'est ma life. Ici, les poucaves se font ma life. Man, c'est sexe, drogue et le rap tourne en rond comme le périph. Les MC plus de la chatte qui sent l'odeur. Et même Tony Montana me verse des droits d'auteur. J'ai commencé dans la merde. Je mangeais la barquette. Et ouais, négro, baisse les tarots. On traquette tes plaquettes. T'achètes un gros fer. Mais t'achètes pas le respect. On te fournit pas la paire de couilles avec le revolver. Tu sais, j'attends ma condi. Le boule plein de résine. Les darons attendent leur tantine. Les frères attendent leur cantine. J'écris sans zigzag. Mon flow va droit au but. Anti-kiss des anti-juge, anti-gros fils de pute. J'ai commencé en chien sans thune. Les barreaux comme public. La même équipe m'indique te montre ses couilles. Elle n'est pas pudique. Si t'es du genre à pleurer chez ton frère, viens pas traîner chez nous, on va traquer tes enfers. Après 8 Miles, on est plein d'Eminem. Après Get Right, j'afflue plein de 50, man. Les pitchs et les euros, c'est ma life. Yeah. Moi-même trop d'ennemis. C'est ça. Un gun à la main, on en reparle. 2007. On voit les tarots, mon ami. On voit les tarots. Les pitchs et les euros, c'est ma life. Moi-même trop d'ennemis. Bon, you west. Ici, les poucaves se font marrer. Le bon rap est comme un gun. Ferme ta gueule, j'lève les drapeaux. Tu vois le topo, c'est pour les harbés, les krell. Tfou, sur la banquette, tu écartes. Interdit au fils de pute, c'est inscrit sur la pancarte. Le temps presse, en cellule le temps passe. Sur la mesure, ça sent la biture. Les mecs ont besoin d'un tampax, très peu de diplôme. Les plus chanceux ont un bafa. C'est pour les rapsous comme Rimka, les vrais Renoir comme Booba. La première fois que j'suis sorti de tôle, j'avais 16 piges. J'ai dit va te faire baiser. Quand le juge m'a dit tu feras des tiges, tu vends de la dope. Et tu finis par en prendre, t'as plus de fric, c'est pathétique. Comme un rappeur qui a plus d'équipe. 78, on lève le niveau, on lève les bondis. Les braqueurs soulèvent les banquiers, les keufs soulèvent les bandits. Sois pas choqué, man, j't'ai bien fait croquer. 2007 finit de clasher, désormais on vient toc-toquer. Bon, les west, les pitchs et les euros, c'est ma life. Moi-même trop d'ennemis. 78, un gun à la main, on en reparle. On en reparle. On voit les tarots, mon ami. C'est ça. Les pitchs et les euros, c'est ma life. Dieu. Moi-même trop d'ennemis. Bon, le west. Ici, les poucaves se font marrer. Violé, sont les hématomes sur tes bras. Je relève ces putains d'empreintes. Cousin, le peur s'est fait violer en dust-dust. Balance une dickus. Mon sang s'arrache comme un petit cuss. Petit ref, les MC sont dangereux comme cheat-up. Hey, j'sors de tôle, fusil à l'épaule. Sean Paul fait danser les voyous. Moi, les mangeurs de cailloux. Ok, et si le rap se barrerait pas en 7 dessus. Ça ferait longtemps que je me serais fait tirer dessus. J'suis ballon d'or comme Rony, je sors de Oni. Arrête tes conneries, quand les mecs tu sais que tu te parles, lâche de chromie. Je peux pas me permettre de clasher certaines saucisses. Au fond c'est comme si Jay-Z se mettait à clasher Will Smith. Refrain. Quand je lève le niveau, man. Quand je veux, tu sais qui domine. Mort, le rap a mis un putain de gueule. C'est fait des copies. Bon, le west. Les pitchs et les euros, c'est ma life. Moi-même trop d'ennemis. Moi-même trop d'ennemis, Renoir. Un gun à la main, on en reparle. 78. On voit les tarots, mon ami. La fouille. Les pitchs et les euros, c'est ma life. La. Moi-même la trop d'ennemis. Dieu. Ici, les poucaves se font ma race. Se font ma race. Man, c'est sexe, drogue et naze. C'est une pute, une crêpe, une pute, un mixtape. On va te niquer, gros dead. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Une pute, une crêpe, une pute, un mixtape. On va te niquer, gros dead. J'ai demandé à la fouille. Une crêpe, une pute, un mixtape. On va te niquer, gros dead. Yeah, yeah.